Pour revenir au flûteur égiste, ce qu'il y avait de singulier était qu'en devenant plus insupportable, le traître semblait devenir plus complaisant. Dès le premier jour que sa dame m'avait pris en affection, elle avait songé à me rendre utile dans le magasin. Je savais passablement l'arithmétique. Elle lui avait proposé de m'apprendre à tenir les livres. Mais mon bourru reçut très mal la proposition, craignant peut-être d'être supplanté. Ainsi, tout mon travail, après mon burin, était de transcrire quelques comptes et mémoires, de mettre au net quelques livres et de traduire quelques lettres de commerce d'italien en français. Tout d'un coup, mon homme s'avisa de revenir à la proposition faite et rejetée et dit qu'il m'apprendrait les comptes à partie double et qu'il voulait me mettre en état d'offrir mes services à M. Basile quand il serait de retour. Il y avait dans son ton, dans son air, je ne sais quoi de faux, de malin, d'ironique, qui ne me donnait pas de la confiance. Madame Basile, sans attendre ma réponse, lui dit sèchement que je lui étais obligé de ses offres, qu'elle espérait que la fortune favoriserait enfin mon mérite, et que ce serait grand dommage qu'avec tant d'esprit, je ne fusse qu'un commis. Elle m'avait dit plusieurs fois qu'elle voulait me faire faire une connaissance qui pourrait m'être utile. Elle pensait assez sagement pour sentir qu'il était temps de me détacher d'elle. Nos muettes déclarations s'étaient faites le jeudi. Le dimanche, elle donna un dîner, où je me trouvais et où se trouva aussi un jacobin de bonne mine auquel elle me présenta. Le moine me traita très affectueusement, me félicita sur ma conversion et me dit plusieurs choses sur mon histoire qui m'apprirent qu'elle lui avait détaillées. Puis, me donnant de petits coups d'un revers de main sur la joue, il me dit d'être sage, d'avoir bon courage et de l'aller voir, que nous causerions plus à loisir ensemble. Je jugeai, par les égards que tout le monde avait pour lui, que c'était un homme de considération, et par le ton paternel qu'il prenait avec Madame Basile, qu'il était son confesseur. Je me rappelle bien aussi que sa décente familiarité était mêlée de marques d'estime et même de respect pour sa pénitente, qui me firent alors moins d'impression qu'elles ne m'en font aujourd'hui. Si j'avais eu plus d'intelligence, combien j'eusse été touché d'avoir pu rendre sensible une jeune femme respectée par son confesseur.